J'ai frappé les murs bêtement. Tu peux être sûr qu'on te ment. J'ai mis mon armure maintenant et pense mes blessures lentement. Et je ne peux m'empêcher de me revoir enfant. Des rêves perchés qui me semblaient bien trop grands.